Baptiste de l'Évangile de Val-d'Or, encore une fois, je vous remercie d'être avec nous et je vous remercie de vouloir écouter et entendre la parole de Dieu, d'être encouragé par cette parole-là. Merci pour les courriels que vous nous envoyez. Je vous inviterai à tourner dans Matthieu chapitre 28, versets 16 à 20 aujourd'hui. Matthieu chapitre 28, versets 16 à 20. Et on va lire ensemble ces versets, si vous voulez bien. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors, voici un passage très important qu'il nous faut absolument comprendre. Et du plus profond de mon cœur, ce que je désire, c'est que tous les croyants puissent entendre la vérité, les vérités qui vont être partagées aujourd'hui et dans les semaines à venir. Un passage très important. Maintenant, si on faisait un sondage dans l'Église, justement, dans l'Église évangélique et dans l'Église de Val-d'Or, je crois qu'on pourra obtenir plusieurs réponses à la question suivante. Quel est le but de l'Église? Quel est le but de l'Église? Une de ces réponses, exemple, pourrait être, on pourrait nous suggérer que le but de l'Église, c'est la communion fraternelle. La communion fraternelle. Que l'Église est un endroit pour se faire des amis. Avoir avec de bonnes personnes, des personnes honnêtes, des personnes pieuses qui renforcent votre vie, qui vous encouragent, qui vous soutiennent, qui vous aiment. C'est un lieu qui fournit une activité pour toute la famille, des activités agréables. C'est un endroit pour profiter de la musique, le meilleur de la musique, les loisirs, pour cultiver des relations. C'est un lieu en quelque sorte où est-ce qu'on se tient jusqu'au retour du Seigneur. Ça pourrait être des réponses qu'on obtient. C'est un lieu où est-ce qu'on partage l'amour et on cultive et on partage l'amour également. Et c'est certainement vrai, dans ce sens que l'amour, c'est important dans l'Église, c'est important tout le temps, mais c'est important. C'est ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 13, verset 25. Il nous dit, « À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Donc oui, dans l'Église, l'amour c'est important. D'autres pourraient dire que la mission de l'Église, c'est d'enseigner. Que l'objectif principal de l'Église, c'est de mettre l'emphase sur la doctrine. C'est de renforcer les croyants. C'est de donner des principes pour la pratique de la vie chrétienne. Que c'est de former des personnes pour les diverses responsabilités dans l'Église. Que c'est d'instruire les enfants et les jeunes à l'obéissance de la parole de Dieu, ayant comme objectif de les amener à la maturité en Christ. Et c'est certainement une partie très importante du ministère de l'Église, l'enseignement. Parce que les dons ont été donnés à l'Église, dont l'enseignement, le don d'enseigner, pour le perfectionnement des saints, la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 12. Donc, c'est un ministère, c'est un don qui est important dans l'Église. Il y a également ceux qui pensent que le but de l'Église, c'est la louange à Dieu, n'est-ce pas? Et évidemment, ils pourraient nous rappeler que dans le ciel, la principale activité, c'est la louange, l'adoration, l'honneur, l'hommage qui est offerte éternellement à Dieu, et ce, par les anges et par les saints. Pour toujours et à jamais. Et par conséquent, si c'est la principale activité du ciel, ça doit être la principale activité de ceux qui sont sur la terre, des croyants sur la terre, n'est-ce pas? Dans Apocalypse chapitre 4, verset chapitre 4 et chapitre 5, on voit que le ciel est occupé, qu'il est rempli de la louange à Dieu. Maintenant, la réalité, c'est que la communion fraternelle, c'est une nécessité absolument essentielle à l'Église, dans l'Église. Et l'enseignement est tout aussi essentiel que l'est la louange également. Mais aucun d'entre eux et aucun d'eux réunis n'est le but de l'Église, n'est la mission de l'Église. Alors, quelle est la mission? Quelle est cette mission que vous connaissez déjà, bien entendu? Eh bien, pour bien répondre à cette question, quelle est la mission de l'Église? Je crois que nous devons d'abord commencer par la raison d'être de l'Église, justement. Quelle est la raison d'être? Quelle est notre motivation en tant que croyants? Et la réponse à cette question est très simple, n'est-ce pas? Nous sommes ce que nous sommes et nous voulons être ce que nous voulons être pour la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Pour glorifier Dieu. Dans Éphésiens, chapitre 1, versets 5 à 6, il est écrit: En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de sa gloire, le verset 6, de sa grâce qui nous a accordée en son bien-aimé. Pour sa gloire, à la louange de sa gloire. Le verset 12 de Éphésiens 6 nous dit « Afin que nous servions à la louange de sa gloire. » Le verset 14 dit la même chose « À la louange de sa gloire. » Chapitre 3, verset 21, toujours dans Éphésiens, ça nous dit « À lui soit la gloire dans l'Église. » La raison d'exister de l'Église, c'est de glorifier Dieu pour la gloire de Dieu. Donc, ma raison d'exister, c'est pour la gloire de Dieu également. Dieu m'a créé pour que je puisse lui rendre gloire. C'est le but de ma vie et c'est le but de ta vie également, à rendre gloire à Dieu. Jésus est venu dans le monde à ce but. Il a donné un merveilleux exemple. Il est venu pour nous montrer la gloire du Père. Jean chapitre 1, verset 14, « Il est venu pour révéler la gloire du Père », nous dit ce texte. Hébreux chapitre 1, verset 3, nous dit « Il est le reflet de la gloire de Dieu, l'empreinte de sa personne. » Il est le reflet de la gloire de Dieu, l'empreinte de sa personne. Jésus est venu dans le monde avec un seul motif, qui était de glorifier son Père. Comprenez bien ça, on va regarder ça ensemble. Et Jésus a transmis ce motif à l'Église. C'est pourquoi nous devons et nous voulons à notre tour donner gloire à Dieu, n'est-ce pas? Donner gloire à Dieu le Père, parce que Jésus nous a transmis ce motif-là. C'est comme ça qu'il agissait, c'est comme ça qu'il était, c'était ça le désir de son cœur, de glorifier son Père, et il nous a transmis ça. L'Esprit de Dieu lui-même nous pousse à lui donner gloire, à nous effacer, à rester humbles, à nous humilier et à élever son nom. Ça, c'est la raison d'être, donner gloire à Dieu. Mais qu'en est-il de la mission maintenant? Quelle est la mission qui ressort de ce motif-là? Je crois que la réponse va devenir plus facile, va devenir plus claire, plus évidente, si on regarde l'histoire du salut. Écoutez très attentivement. Lorsque l'homme est tombé, lorsque Adam est tombé dans le péché, dans le jardin, à cause de la chute de l'homme, toute la race humaine a été condamnée à la mort et à l'enfer. Toute la race humaine a été condamnée. Toute la race humaine est morte spirituellement. La race humaine tout entière est morte en un sens dans le péché d'Adam. Tous ont péché, Romains chapitre 3, verset 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Une autre traduction nous dit, ils sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Donc, à cause du péché, on est privé de la présence, de cette relation avec Dieu. La mort spirituelle, c'est l'état de séparation éternelle d'avec Dieu. Il y a un gouffre entre nous et Dieu qu'on appelle le péché. L'homme est séparé de Dieu par son péché. Mais comprenez ceci, immédiatement après la chute, Dieu a mis en place un plan de secours. Dieu a mis un plan pour racheter l'homme pour lui-même, pour sa gloire, encore une fois. Et ce, par pure grâce, dans son amour, par miséricorde. Et si vous vous souvenez bien de l'histoire d'Adam, vous vous souviendrez que lorsqu'Adam est tombé dans le péché, il était très conscient de cette séparation-là entre lui et Dieu, qui est arrivée en un instant, de son éloignement avec Dieu. Parce qu'il n'a pas erré dans le jardin et dit « Dieu, où es-tu? Dieu, où es-tu? » Non. C'est Dieu dans Genèse chapitre 3, verset 9, qui est venu dans le jardin et a dit « Adam, où es-tu? Où es-tu, Adam? » Et Adam, bien sûr, s'était caché avec Ève. Et l'intention derrière ce verset-là, lorsque Dieu dit « Où es-tu, Adam? » c'est de nous montrer, de nous faire savoir que c'est Dieu qui a pris l'initiative dans l'œuvre du salut. C'est Dieu qui a pris l'initiative dans l'œuvre du salut. L'homme pécheur, comprenez bien, l'homme qui est perdu, toute la race humaine finalement, l'homme pécheur ne cherche pas Dieu, nous dit Paul dans Romains chapitre 3, verset 11. Nul ne cherche Dieu. Aucun être humain ne cherche Dieu. C'est Dieu qui cherche. Dieu cherche. C'est Dieu qui a pris l'initiative d'appeler l'homme dans sa grâce. Et depuis le premier appel de Genèse, chapitre 3, verset 9, Adam, où es-tu? Jusqu'au dernier appel de Apocalypse, chapitre 22, verset 17, où il est écrit, et l'esprit et l'épouse disent, viens! Et que celui qui entend dise, viens! Et que celui qui a soif, que celui qui veut, prenne de l'eau de vie gratuitement. Depuis la première invitation jusqu'à la dernière invitation de la parole, et entre les deux, Dieu est un Dieu qui désire ardemment racheter l'être humain pour sa gloire, pour lui-même. Dieu a, et Dieu continue et continuera de chercher à racheter des gens dans le but qu'ils puissent le glorifier. Vous savez, ça glorifie Dieu. Cela glorifie Dieu lorsque des pécheurs sont sauvés. Ça glorifie Dieu lorsque des non-régénérés, des gens qui sont séparés de Dieu, sont ramenés par sa grâce, dans sa grâce, en relation avec lui, et deviennent, toujours dans sa grâce, par pure miséricorde, deviennent membres de sa famille. Ça glorifie Dieu. Et c'est tellement important pour Dieu que les Écritures nous disent que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Dieu est venu dans ce monde. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19. Dieu a envahi l'histoire humaine. Jean chapitre 1, verset 14. Dieu est venu dans notre monde pour accomplir le désir de son cœur. Dieu est venu dans notre monde pour accomplir le désir de son cœur. Et pourquoi était-ce son désir? Parce que le désir suprême de Dieu est de se glorifier. Et lorsqu'un pécheur est sauvé, ça le glorifie. En tant que Dieu absolument parfait, il a le droit absolu, il a la puissance et les motifs parfaits pour vouloir se glorifier. Si moi je voudrais me glorifier, ça serait de l'orgueil, ça serait de l'hommerie. Mais Dieu est parfait. Dieu n'est pas un pécheur, il a le droit, il est au-dessus de tous. Il ne s'est pas élevé, il est au-dessus de tous. Et la façon dont il cherche à se glorifier, c'est en rachetant des hommes et des hommes pécheurs, oui, qui ne méritent pas sa grâce ni son amour. C'est la plus grande œuvre de notre Dieu, trois fois saint. C'est pourquoi Pierre dit que les anges désirent plonger leur regard dans l'Évangile, dans cette bonne nouvelle-là, 1 Pierre chapitre 1, verset 12. Absolument rien ne glorifie autant Dieu que le rachat d'un pécheur qui est condamné à l'enfer. Et ainsi, Dieu qui désire être glorifié a réalisé que la plus grande gloire que pouvaient lui donner les anges et les êtres humains, ça viendrait de la rédemption des hommes, par la rédemption des hommes. Et il a choisi de racheter des hommes et des femmes perdus pour lui. Dans Genèse chapitre 12, verset 3, Dieu fait une promesse à Abraham. Il lui dit, « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dès le début, Dieu a voulu racheter toutes les familles de la terre. Dans Ésaïe chapitre 49, verset 6, et Dieu dit à Israël, « Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Le désir de Dieu a toujours été de se glorifier en atteignant les perdus à travers le monde. Toujours. Luc chapitre 15, verset 7, un texte qu'on connaît. « De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 autres qui n'ont pas besoin de repentance. » En d'autres termes, chaque fois que vous amenez quelqu'un à Christ, vous ajoutez une voix à l'Alléluia céleste, à la chorale de Dieu. Vous avez alors une autre personne qui sert à la louange de sa gloire, comme nous disait Éphésiens chapitre 1, verset 12. Une autre personne vient et peut servir à la louange de sa gloire. Amen à ça. Donc, le but, la raison d'être de l'Église, c'est la gloire de Dieu, que les gens, que l'homme, que l'Église puissent glorifier Dieu. Ma raison d'exister est de donner gloire à Dieu. Et la mission que notre Sauveur Jésus-Christ nous a donnée accomplit justement cela. C'est ce qu'il nous faut comprendre aujourd'hui. Gagner des hommes et des femmes au Sauveur, et en parvenant à la connaissance de Dieu, en ayant leurs péchés pardonnés, en passant de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, Dieu est glorifié par le miracle de cette transformation-là. Dieu est glorifié par le miracle de la transformation. De cette résurrection-là, passer de la mort à la vie. Parce que c'est lui qui produit cette résurrection-là, c'est lui qui a pris l'initiative, c'est lui qui a tout accompli, et c'est lui qui va achever tout. À lui soit la gloire dans l'Église, le texte nous disait tantôt. La gloire de Dieu se manifeste dans son désir d'aimer et à travers sa puissance pour racheter des hommes perdus à travers le monde. Donc, Dieu aime le monde et cherche à le ramener, et cherche à ramener une partie de ce monde-là à lui-même. Et pour accomplir cela, il va se sacrifier. Il s'est sacrifié. Il a prié, il a payé le prix ultime afin que nous puissions le glorifier. Maintenant, voici à quoi je vais en venir avec tout ça. Écoutez très attentivement. Premièrement, j'aimerais vous poser une question. Deux questions. Première question, désirez-vous donner gloire à Dieu? Désirez-vous donner gloire à Dieu? Oui? OK. Désirez-vous célébrer la louange de sa gloire? Oui? Amen. Eh bien, écoutez bien ceci maintenant. Vous vous êtes engagé. Dis-moi, je veux donner gloire à Dieu. Moi, je veux glorifier Dieu. Je veux célébrer la louange de la gloire de mon Dieu. Eh bien, la personne qui veut glorifier Dieu, qui veut honorer la volonté de Dieu, le but de Dieu, les désirs de Dieu. Cette personne doit aimer le monde perdu, de la façon dont Dieu aime le monde perdu et donner sa vie dans le but d'atteindre, de gagner ce monde perdu-là. Je répète, la personne qui désire glorifier Dieu, soit vous et moi, la personne qui désire glorifier Dieu, qui veut honorer Dieu dans le but, qui veut honorer ses buts, qui veut honorer son désir, qui veut le glorifier, cette personne doit aimer le monde comme Dieu aime le monde perdu et donner sa vie dans le but d'atteindre et de gagner ce monde perdu-là. C'est le motif. Regardez, il y a un pattern, comme j'en ai dit, une ligne directrice dans tout cela. Il y a un suivi. Numéro 1. Dieu a aimé le monde perdu et a cherché à le gagner pour lui-même, pour qu'il soit glorifié pour sa gloire. Numéro 2. Christ est venu dans le monde, il a aimé le monde perdu, il a cherché à le gagner, il a donné sa vie pour eux, afin que son Père soit glorifié. Et numéro 3, ça nous implique, et nous sommes envoyés dans le monde pour l'amour de ce monde, afin de chercher et gagner ce monde perdu-là, afin que Dieu soit glorifié également. Voyez-vous? La mission, je disais, accomplit notre raison d'être également. La mission que Dieu m'a donnée glorifie Dieu. Alors je dis, je veux glorifier Dieu, moi. Alors accomplis la mission. Fais la mission. Je suis et tu es envoyé dans le monde, dans un monde perdu, afin de chercher à gagner ces gens pour Dieu, pour qu'ils puissent le glorifier, pour qu'ils puissent se tourner vers lui, apprendre à le connaître et être émerveillé de Dieu et faire monter vers lui des louanges éternelles, de l'adoration éternelle vers notre Père céleste. Ultimement, notre mission est la même que celle de Jésus-Christ. Certes, exception faite, on ne peut pas sauver les gens, n'est-ce pas? Mais ce qu'on cherche, c'est à les atteindre. On les recherche. On cherche les élus de Dieu. On désire qu'ils se tournent vers Dieu. On veut leur présenter Jésus-Christ, afin qu'ils puissent donner gloire à Dieu. Et nous avons un message à leur communiquer. Et ceux que Dieu a élus avant la fondation du monde, les élus, ceux que Dieu a élus avant la fondation du monde, vont répondre affirmativement au message que nous voulons leur communiquer de la part de Dieu. Quand Jésus est venu dans le monde, il a voulu glorifier son Père. Dans Jean chapitre 17, verset 3, il est écrit: Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et le verset 4 de Jean 17 nous dit: Je t'ai glorifié sur la terre. C'est Jésus qui dit ça. Ce fut sa mission de glorifier Dieu. Il faut bien comprendre ici que le salut, ce n'était pas le but ultime. Le salut, c'était un aide, c'était le moyen pour accomplir la raison d'être, pour accomplir le but qui était de donner gloire à son Père. Jésus rachète l'humanité, rachète les élus, afin qu'ils puissent se tourner vers Dieu et lui donner la gloire. Le salut est le moyen que Dieu soit glorifié. Lorsque j'annonce l'Évangile, lorsque je veux que les gens autour de moi, mon voisin, ma mère, mon père, ma femme peut-être, mes enfants, mon employeur, je veux qu'il se tourne vers Dieu, c'est afin que Dieu soit glorifié. Donc, ce fut sa mission. Je suis venu pour glorifier. Je t'ai glorifié sur la terre, Jean 17, 4. Et comment? En réconciliant l'homme avec Dieu. C'est le moyen le plus simple pour donner gloire à Dieu, pour glorifier Dieu. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu, je t'ai glorifié. Et comment est-ce qu'il fait ça? Luc chapitre 19, verset 10 nous dit: Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. En cherchant et sauvant ce qui était perdu, Jésus glorifiait Dieu. Jésus a glorifié Dieu. Voici précisément ce qu'est la mission de l'Église. Ce n'est pas différent parce que ce n'est pas différent de celle de Jésus, parce que nous sommes une extension de Dieu en quelque sorte. On n'est pas Dieu, on n'est pas les pouvoirs de Dieu, mais on est envoyé de la part de Dieu. On fait les fonctions d'ambassadeur, nous dit la Bible. Nous sommes un prolongement du ministère de Dieu. Nous parlons de sa part. Nous avons sa bonne nouvelle, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc, numéro 1, son désir est d'être glorifié Dieu, son désir est d'être glorifié par le salut des pécheurs perdu. Le désir de Dieu, c'est d'être glorifié à travers le salut des pécheurs perdus. Numéro 2, le désir de Jésus-Christ, c'est de glorifier son Père en sauvant des pécheurs perdus. Et notre désir, numéro 3, notre désir est de glorifier notre Père céleste en cherchant, en parlant aux pécheurs dans le but qu'ils se tournent vers Dieu et qu'ils soient sauvés et qu'ils le glorifient. Ça va tous ensemble, un seul but à travers la mission. Et Jean 17, 6 nous explique ça très clairement. Il nous dit, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. » J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. « Je leur ai parlé de toi, » dit-il. « Je leur ai transmis tes désirs, ta motivation, ta mission. Ils étaient à toi. » Et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole, et ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. En d'autres termes, ils savent ce que je fais, c'est ce que ta volonté, c'est ce que tu veux qu'il soit fait. Voyez-vous l'idée conductrice ici, que je disais tantôt, Dieu désire être glorifié, Jésus a voulu glorifier son Père, et il a donné la mission à l'Église de glorifier Dieu en quelque sorte à travers la mission. Jésus dit au Père, « Père, je t'ai glorifié. J'ai dit exactement ce qu'elle était ton intention, ce qu'elle était ta mission. » Et ils l'ont reçu. Ils ont compris cela. Ils comprennent, ils ont gardé ta parole. Verset 8 de Jean 17, « Je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. » Autrement dit, le Sauveur dit, ils comprennent la mission. Ils comprennent pourquoi tu m'as envoyé dans le monde. Et le verset 9 de Jean 17 nous dit, « Je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour tous ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. L'Église appartient à Dieu. Nous appartenons à Dieu. Amen. » Nous sommes en mission, et cette mission est celle du Père. Maintenant, descendez au verset 14 de Jean 17, verset 14. « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je te prie, je ne te prie pas de les enlever du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Dit Père, je sais que ton motif, c'est d'être glorifié, de recevoir toute la gloire, l'honneur. Je sais que ta mission, c'est d'atteindre les perdus afin d'accomplir ce désir-là, ce but-là. Je suis venu dans le monde afin d'accomplir, avec le même motif, cette mission également. J'ai transmis cette mission à mes disciples. J'ai transmis cette mission à l'Église. Ils comprennent les paroles. Ils savent pourquoi je les ai envoyés. C'est pour toi. Ils comprennent la mission. Ils savent pourquoi je suis ici. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Je leur ai dit. Et je te demande trois choses, oh Dieu. Première des choses, qu'ils puissent suivre ta parole. Jean 17, 14 ici. Qu'ils peuvent garder du mal et qu'ils soient saints. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. C'est ce que je prie pour eux. Et le verset 18, le point culminant, il faut bien comprendre le verset 18. « Comme tu m'as envoyé dans le monde. » Remarquez le mot « comme » ici. C'est l'idée principale qui indique l'intention. « Comme tu m'as envoyé dans le monde non racheté, le monde perdu. Comme tu m'as envoyé dans le monde pour racheter les hommes et les femmes, moi aussi, je, de la même façon, comme tu m'as envoyé, je les envoie. Je les ai envoyés dans le monde. C'est la même chose, de la même manière, de la même façon, c'est la même mission. Comme tu m'as envoyé, je les ai envoyés aussi. » Frères et sœurs, nous n'avons pas d'autre mission dans le monde que celle qu'avait Jésus-Christ. de répondre au désir du cœur de Dieu et de gagner les perdus pour lui. Telle est notre mission, de glorifier Dieu en apportant le salut aux pécheurs perdus. Et le salut se trouve en une personne, Jésus-Christ. Ce n'est pas des choses qu'il y a à faire, c'est une personne. Je dois croire, placer ma confiance en une personne seule qui est Jésus-Christ. Lui qui a accompli toutes choses, qui a accompli l'œuvre du salut parfaitement, une fois pour toutes. Comprenez que si Dieu voulait que nous existions pour la communion fraternelle, nous serions sauvés et amenés au ciel immédiatement. Parce qu'au ciel, il y a la communion parfaite. Au ciel, il n'y a rien pour détruire cette communion-là. Il n'y a rien pour... C'est là qu'il y a le maximum de stimulation, si je peux dire, pour cette communion-là. Il y a tout pour stimuler la communion. Il y a une harmonie parfaite. Il n'y a aucun malentendu au ciel-là. Il y a un amour parfait et une communication parfaite. Donc, si Dieu voulait que la mission de l'Église soit la communion fraternelle, le but de l'Église soit la communion fraternelle, il nous a ramenés au ciel immédiatement, parce que là, tout se fait parfaitement. Comprenez également que si Dieu voulait que nous existions simplement pour l'enseignement, il nous aurait également amenés au ciel. Si l'objectif de Dieu était que nous puissions connaître la doctrine parfaitement et connaître toute sa volonté dans son entièreté, dans son entier, la meilleure chose que Dieu pouvait faire, c'est nous sauver et nous amener directement au ciel. Où est-ce qu'on le connaîtrait parfaitement et est-ce qu'on saurait exactement quoi faire sans se poser de questions, sans chercher? Comprenez finalement que si Dieu voulait que nous existions pour la louange, si Dieu voulait une louange parfaite de son Église, il nous amènerait au ciel, là où est-ce que justement la louange, elle est éternelle, elle est parfaite. Notre louange ici, il faut l'admettre, elle est embrouillée, elle est imparfaite. Tout comme notre enseignement, comme notre communion, on est des pécheurs ici, là. Sauvés par grâce, élus avant la fondation du monde, regardés comme parfaits, comme justes en Jésus-Christ. Mais ma louange est imparfaite. Mon enseignement est imparfait. Ma communion fraternelle est imparfaite. Il n'y a qu'une seule raison pour laquelle nous sommes ici, une seule. C'est que nous cherchions à sauver ceux qui sont perdus. Le Fils nous envoie comme le Père nous a envoyés. Il n'y a aucune autre raison, aucune. J'espère que vous compreniez bien cela. Et j'espère que vous y croyez également. Alors, lorsque vous évaluez votre engagement chrétien envers Dieu, et c'est une chose utile à faire, de s'évaluer soi-même, pour voir où est-ce que j'en suis, posez-vous la question suivante. Et je tiens à vous dire que Dieu m'a déjà donné à moi-même ce message-là. Dieu m'a déjà posé ces questions-là. J'ai reçu la parole de Dieu en premier avant de vous l'offrir. Posez-vous cette question. Suis-je impliqué dans cette quête? Suis-je impliqué dans cette mission? Dans cette recherche d'hommes et de femmes perdus pour les ramener à Dieu, pour les amener à Dieu? Est-ce à cela que je passe mon temps? Est-ce que ça fait partie? Est-ce que je passe du temps dans la mission? Est-ce que je l'utilise mon énergie, mes efforts, mes talents, mon argent pour la mission? La raison pour laquelle je suis ici sur la terre. C'est la seule raison pour laquelle nous sommes ici. Alors, sauf si nous sommes déjà engagés dans cette mission-là, à faire ce pourquoi nous existons ici sur la terre, nous sommes encore ici, de gagner un monde perdu pour Jésus-Christ, pour Dieu. Alors, il nous faut peut-être revoir nos priorités. Revoir la raison pour laquelle nous existons. Remettre les pendules à l'heure. Est-ce que je retarde? Si je reprends l'analogie de la pendule, de remettre les pendules à l'heure. Est-ce que je suis une heure plus tard? Est-ce que je suis en retard? Est-ce que ma montre est arrêtée? Je veux être au diapason avec mon Dieu. Je vais pouvoir lui donner la gloire à travers la mission. Je vais pouvoir le glorifier et amener d'autres gens à faire ça. à glorifier Dieu et à aller en mission également. Est-ce que je suis impliqué dans cette mission-là? Est-ce que je fais la mission? C'est pourquoi je suis là. La communion, l'enseignement et la louange ne sont pas la mission de l'Église. Ça fait partie, de la préparation, de la formation pour la mission. Un athlète fait beaucoup de choses en matière de formation, n'est-ce pas? Mais la formation ne doit pas être confondue avec la course, avec la compétition, avec la victoire. Il y a une différence entre les deux. Lorsque l'Église se réunit pour la communion fraternelle, pour la louange, pour l'enseignement, ce n'est que la préparation pour la mission, pour accomplir la mission. C'est pourquoi nous sommes sur la terre, qui est de gagner des gens à Christ. C'est pourquoi nous sommes ici. Maintenant, pour bien comprendre notre texte principal qu'on a lu au début, Matthieu chapitre 28, soyez attentifs. Voici le but de l'Église, verbalisé par Jésus-Christ. Jésus-Christ va dire pourquoi on est ici sur la terre. Matthieu 28, verset 19. Pourquoi le 21 août, de l'an de grâce 2011, nous sommes ici encore sur la terre, Matthieu chapitre 28, verset 19, il nous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Voilà. C'est aussi simple que ça. Ça s'adresse à nous, ça. Le verbe principal, ce n'est pas aller. Non, c'est le français qui traduit aller à l'impératif. Ce n'est pas le verbe principal. Et ce n'est pas à l'impératif même. Le mot grec original nous dit « tout en allant, faites des disciples ». On pourrait dire, ce qui est traduit en français « aller », on pourrait dire « en chemin, en allant, en vous mettant en route, en vous dirigeant, en retournant, en faisant le voyage, faites des disciples de toutes les nations ». Autrement dit, Dieu vous a créé pour sa gloire, n'est-ce pas? Vous êtes venu au monde un jour. Et un jour, vous êtes né de nouveau, de pécheur que vous étiez, de perdu que vous étiez, Dieu vous a ramené à la vie. Et vous a fait passer des ténèbres à sa lumière, à la lumière. J'étais aveugle et maintenant je vois. Et dans votre vie, ça va arriver peut-être, ou c'est arrivé, vous avez grandi dans une famille chrétienne ou pas. Vous avez trouvé un travail peut-être. Vous êtes marié peut-être. Vous avez eu des enfants peut-être. Vous êtes un grand-père ou une grand-mère peut-être. Et Dieu nous dit, tout en allant, à travers ta vie, à travers ce cheminement-là pour lequel je te laisse sur la terre, fais des disciples. En allant, fais des disciples. Le verbe, c'est matetheo, faire des disciples. C'est ça le principal, le commandement. Faites des disciples, c'est ça. Donc, je n'ai pas besoin d'aller partout dans le monde pour faire des disciples. Mais ça dit, oui, de toutes les nations. Mais je peux le faire dans ma famille, je peux le faire dans mon voisinage, je peux le faire au travail, je peux le faire à l'épicerie, je peux le faire en vacances, et je peux le faire à l'extérieur également. Gloire à Dieu, parce qu'il y a des gens qui vont à l'extérieur pour annoncer l'Évangile à toutes les nations. Pour faire des disciples, il nous dit. Et c'est quoi un disciple? Un disciple, c'est un apprenti. C'est quelqu'un qui suit un autre. C'est faire un adepte de Jésus-Christ. Jésus nous appelle à faire des disciples, des gens de cette planète, des disciples de Christ, des apprentis de Jésus, de Christ. Nous désirons les amener à Jésus. Un disciple, c'est une personne qui suit une autre personne, qui est formée par ce dernier, qui apprend de lui. Jésus, c'est ce qu'il a fait, n'est-ce pas? Jésus a fait ça. Matthieu, chapitre 27, verset 57, il est dit, « Le soir étant venu, arrivait un homme d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. » Jean, chapitre 4, verset 1, nous donne un aperçu du ministère de Jésus-Christ. « Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. » Jésus fait faisait et baptisait des disciples. C'était son ministère. Et Jésus fait des disciples encore aujourd'hui. Jésus est impliqué dans le processus d'amener des hommes et des femmes à le suivre encore et à donner gloire à son Père. Et c'est ce que faisait également, c'est ce qu'avait compris l'Église lorsqu'elle avait entendu Jésus-Christ. Lorsque Jésus est parti au ciel, l'Esprit est venu et l'Église s'est mise à faire quoi? Des disciples. L'Église s'est mise à faire des disciples. Dans Actes chapitre 14, verset 21, ça nous parle des apôtres. « Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche pour faire la même chose. Ils ont fait des disciples et les ont amenés à suivre Jésus-Christ. C'est pourquoi nous sommes ici. C'est notre but. » En tant qu'enfant de Dieu, en tant que croyant, en tant que chrétien, ceux qui suivent Christ, nous sommes également des disciples. Notre raison d'être, c'est de glorifier Dieu, mais notre mission, c'est de gagner des perdus pour Jésus-Christ, pour Dieu, et tout cela va à la gloire de Dieu. Et cette mission était si absolument clair, cette mission était si absolument claire pour les apôtres, pour les disciples, qu'elle n'est jamais répétée dans tout le livre des Actes. Comprenez ça. La mission, elle est faite de toutes les nations des disciples, elle est répétée dans les quatre évangiles, mais elle n'est jamais répétée après, pas de cette façon. La grande commission, comme on l'appelle, se répète seulement dans les évangiles. Nous devons faire des disciples. Nous rendons grâce à Dieu pour la communion fraternelle, pour l'enseignement et pour la louange, mais ce n'est pas notre objectif. Et je crains, frères et sœurs, que beaucoup d'entre nous ayons mis de côté peut-être cette mission-là, que nous l'ayons tassée et remplacée par autre chose. Nous sommes peu nombreux ici à Val-d'Or, mais ce qui me rassure, c'est que c'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui a dit « Je bâtirai mon Église » dans Matthieu 16, verset 18. C'est Jésus qui a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde » dans Matthieu 28, verset 20. Qu'est-ce qui peut nous limiter dans cette mission-là? Dans aller annoncer l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qu'est-ce qui peut nous limiter? Serait-ce Jésus? Ben non, n'est-ce pas? Peut-être que c'est notre manque d'engagement. Et là, je ne fais pas d'accusation, je ne veux pas vous sentir mal, hein? Je ne veux pas vous faire sentir mal pour que vous partiez à la course. Mais il faut s'examiner, n'est-ce pas? Comme je disais tantôt, pour regarder, pour remettre les pendules à l'heure, est-ce que je marche sur le bon chemin? Est-ce que je fais la bonne chose? Est-ce que je fais la bonne volonté? Il faut que je m'arrête et je dis, oups, voici à quoi je crois, voici pourquoi j'ai été envoyé, voici pourquoi j'ai été créé. Ah, OK, si mes pendules ne sont pas à l'heure, je les remets à l'heure, je me tourne, oups, on y va, puis on continue, tout simplement. Je crois qu'on peut... Il arrive qu'on perde le focus de la mission. À cause, oui, des soucis de la vie, à cause peut-être de toutes les activités de l'Église, à cause de toutes sortes de choses. Parce que nous sommes préoccupés bien souvent par des choses futiles. Nous avons une fascination pour accumuler toutes sortes de choses. Et ça, vous devez le réaliser, vous devez l'avouer. On accumule toutes sortes de choses. De la ferraille, des bibelots, des collections de toutes sortes. Et pourtant, toutes ces choses-là ne nous accompagneront pas au ciel. Nous avons une fascination pour embellir notre maison, embellir notre auto, embellir notre jardin, embellir notre parterre, nous embellir nous-mêmes. Nous y passons beaucoup de temps. Et nous y dépensons aussi beaucoup d'argent. Alors que des gens qui sont proches et loin également ne connaissent pas le message de l'Évangile, le message du salut, ce pour la raison pour laquelle nous sommes ici, d'annoncer l'Évangile. Sinon, nous pourrions être au paradis, comme on le dit. Les gens sont préoccupés par ce qui est absolument inutile. Et je crains que nous ayons gobé le mensonge de Satan, le mensonge de la publicité, le mensonge du monde. Les pensées, le temps, l'argent, l'énergie du monde va à l'achat souvent de déchets inimaginables. Êtes-vous pas surpris qu'il y ait tant de magasins qui vendent des choses qui sont inutiles, qui ne servent à rien? Vous prenez la chose, vous l'achetez, vous la mettez là, et ça ne sert à rien. C'est juste beau. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas utile à la mission. Ce n'est pas utile à la vie. C'est juste, ça fait beau. Et je dépense de l'argent pour ça. C'est un mensonge de Satan. Jésus a dit, « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Dans Matthieu chapitre 6, verset 21. Alors, je te pose cette question-là. Où est ton cœur, mon frère? Où est ton cœur, ma sœur? Où est ton cœur? Tu veux savoir où est ton cœur? Pose-toi les questions suivantes. Et je reviens sur le fait que je me suis posé aussi également ces questions-là. Tu veux savoir où est ton cœur? Regarde à ton carnet de chèques. Regarde à ton carnet de chèques, qu'est-ce qui est inscrit. Regarde ton relevé bancaire. Regarde à ton relevé de carte de crédit. Regarde à ton agenda pour voir à quoi tu passes ton temps. À quoi tu passes ton temps à faire. Ou une partie de ton temps. Ce que je dis, c'est qu'il y a un monde à atteindre autour de nous. C'est que c'est notre mission d'aller dans ce monde-là. Et pas juste pour atteindre les gens afin qu'ils soient sauvés, mais le but ultime, c'est donner gloire à Dieu. Rappelez-vous, là, tantôt, vous avez dit, oui, je veux donner gloire à Dieu. Oui, je veux servir à la louange de la gloire de Dieu. Et on voit que la mission, ça sert à ça. Dieu a choisi, a voulu, a désiré sauver des gens afin qu'ils puissent être glorifiés, afin qu'ils puissent se joindre à la chorale éternelle. Nos priorités, je pense qu'ils peuvent être mal placées. Et c'est ce qu'il faut que vous évaluer dans votre vie également. Qu'est-ce qui occupe ton esprit, mon frère, ma sœur? Oui, nous avons une belle communion qui nous stimule. Nous avons de l'enseignement qui nous aide à grandir, qui nous aide à mieux comprendre la volonté de Dieu, la parole de Dieu et Dieu lui-même et nous-mêmes. Nous avons de la louange qui nous permet d'exprimer notre reconnaissance éternelle envers Dieu. Et amen pour tout ça. Mais nous sommes ici pour une seule chose. Je suis ici, vivant en l'an de grâce 2011, comme je disais tantôt, pour donner gloire à Dieu en l'annonçant, lui, à un monde qui est perdu, qui ne le connaît pas. Frères et sœurs, ce que j'essaie de dire, c'est que c'est ce que Jésus dit, c'est ce que l'Évangile, la parole, les Écritures disent. C'est que c'est la seule raison pour laquelle nous sommes ici. Il n'y en a pas d'autre. Chaque autre but pourrait être mieux accompli si nous étions immédiatement au ciel. J'aimerais terminer avec une histoire. C'est un chrétien prénommé S.D. Gordon. Donc, c'est un Anglais, je ne le connais pas. Et il a écrit plusieurs livres. Et dans un de ses livres, il écrit ceci. Il écrit une histoire. Il parle d'un groupe de personnes qui se préparaient à une ascension du Mont Blanc en France, dans les Alpes suisses. Donc, un groupe de personnes qui se préparent pour monter, pour faire la montée, l'ascension du Mont Blanc en France. Dans la soirée, avant la montée, le guide français a décrit les prérequis pour le succès de l'ascension. Il a dit ceci. Vous n'atteindrez le sommet qu'en ne prenant que le matériel nécessaire à l'escalade et en laissant derrière vous toutes les choses inutiles parce que c'est une ascension difficile. Un jeune Anglais en désaccord avec le guide s'est présenté le lendemain matin avec ceci. Il avait une assez lourde couverture de couleur vive, quelques gros morceaux de fromage, une bouteille de vin, quelques caméras avec plusieurs lentilles autour du cou et aussi quelques barres de chocolat. Lui, il se voyait King of the World, le roi. Il se voyait arriver là, ouvrir sa nappe, toutes sortes de couleurs, la bouteille de vin, le fromage, les caméras, le chocolat, puis hey, c'est la fête. J'arriverai pas là tout nu, moi, là. Ils vont le savoir. Le guide dit, tu n'arriveras jamais au sommet avec tout ça. Tu dois seulement prendre le strict nécessaire pour faire l'ascension. Mais forte tête qu'il était, il partit seul devant le groupe pour leur prouver qu'il pouvait le faire. Le groupe a ensuite suivi le guide sous la direction avec juste le strict nécessaire. Et sur le chemin, vers le sommet du Mont Blanc, vers l'ascension du Mont Blanc, ils ont commencé à remarquer certaines choses qui traînaient par terre. D'abord une couverture aux vives couleurs, puis quelques morceaux de fromage, une bouteille de vin, du matériel de photo et quelques barres de chocolat. Et enfin, lorsqu'ils ont atteint le sommet, ils ont découvert que l'homme qui était parti devant eux avait atteint lui aussi d'abord le sommet, mais en abandonnant tout dans le processus. M. Gordon fait alors cette application pour la vie chrétienne. Beaucoup de gens, lorsqu'ils constatent qu'ils ne peuvent se rendre au sommet avec tous leurs accessoires, abandonnent le sommet et vont planter leur tente dans la vallée. Et la vallée est remplie de tentes. Comprenez-vous? Elle est pleine de tentes. Et la question qui me vient à l'esprit est celle-ci. Est-ce que nous comprenons pourquoi nous existons? Est-ce que nous comprenons la raison pour laquelle nous sommes ici? Peut-on dire à Jésus, « Je sais pourquoi le Père t'a envoyé dans le monde pour glorifier, pour le glorifier en gagnant des perdus. Je sais pourquoi tu m'as envoyé dans le monde pour te glorifier en gagnant des perdus. Mais tu ne comprends pas, je peux y arriver avec tous mes accessoires. » Non, on ne peut pas y arriver avec tout ça. Trop de gens, a déclaré S.D. Gordon, laissent le sommet et vont planter leur tente dans la plaine quand ils voient qu'ils ne peuvent pas atteindre le sommet avec tout ça. Est-ce que les choses dans ta vie qui t'empêchent d'accomplir la mission? Est-ce que quelque chose qui t'empêche de donner gloire à Dieu? C'est ce qu'il te faut examiner. C'est ce que tu dois faire, examiner toute chose. C'est impossible de partir avec ces choses-là et dire, je vais faire la volonté de Dieu, je vais glorifier Dieu, je vais accomplir la mission, mais je vais garder tout ça. Ces choses-là qui attirent mon attention, ces choses-là qui détournent mon attention justement, qui me ralentissent. Nous sommes ici pour une seule raison, pour accomplir la mission, aller chercher à sauver les gens perdus. On veut leur annoncer la bonne nouvelle. Et les élus, depuis la fondation du monde, vont être attirés par Dieu vers Jésus-Christ et vont être sauvés. Frères et sœurs, il nous faut, en tant qu'Église, en tant que croyants, en tant que famille, nous examiner soigneusement. Nous examiner si nos activités, si notre budget, si nos pensées, si notre temps sont utilisés en fonction de la mission. La prochaine fois, nous allons examiner des éléments essentiels qui vont nous aider à accomplir cette mission-là. Et on va rester encore dans Matthieu chapitre 28, versets 16 à 20. Donc la prochaine fois, dans quelques semaines, on va venir ensemble pour regarder des éléments essentiels qui vont nous aider à pouvoir accomplir cette mission-là avec joie, pour la gloire de Dieu. Si vous voulez, on va prier. Notre bon Père du ciel, glorifie ton nom sur la terre. Glorifie ton nom dans l'Église. Glorifie ton nom dans ma vie. Et glorifie ton nom dans la vie de ceux qui écoutent ce message, qui l'ont écouté. Amen. J'invite à revenir la prochaine fois et d'ici là, soyez fidèles parce que Dieu, lui, est fidèle.